Livre 8e, chapitre 6. Trois cœurs d'hommes faits différemment. Phébus, cependant, n'était pas mort. Les hommes de cette espèce ont la vie dure. Quand maître Philippe Lelier, avocat extraordinaire du roi, avait dit à la pauvre Esmeralda « Il se meurt », c'était par erreur ou par plaisanterie. Quand l'archidiacre avait répété à la condamnée « Il est mort », le fait est qu'il n'en savait rien, mais qu'il le croyait, qu'il y comptait, qu'il n'en doutait pas, qu'il l'espérait bien. Il lui était par trop dur de donner à la femme qu'il aimait de bonnes nouvelles de son rival. Tout homme à sa place en eût fait autant. Ce n'est pas que la blessure de Phébus n'eût été grave, mais elle l'avait été moins que l'archidiacre ne s'en flattait. Le maître Mire, chez lequel les soldats du guet l'avaient transporté dans le premier moment, avait craint 8 jours pour sa vie, et le lui avait même dit en latin. Toutefois, la jeunesse avait repris le dessus, et chose qui arrive souvent, nonobstant pronostic et diagnostic, la nature s'était amusée à sauver le malade à la barbe du médecin. S'étant dit qu'il gisait encore sur le grabat du maître Mire, qu'il avait subi les premiers interrogatoires de Philippe Lelier et des enquêteurs de l'official, ce qui l'avait fort ennuyé. Aussi, un beau matin, se sentant mieux, il avait laissé ses éperons d'or en paiement au pharmacopole et s'était esquivé. Cela, du reste, n'avait apporté aucun trouble à l'instruction de l'affaire. La justice d'alors se souciait fort peu de la netteté et de la propreté d'un procès au criminel. Pourvu que l'accusé fût pendu, c'est tout ce qu'il lui fallait. Or, les juges avaient assez de preuves contre la Esmeralda. Ils avaient cru Phébus mort, et tout avait été dit. Phébus, de son côté, n'avait pas fait une grande fuite. Il était allé tout simplement rejoindre sa compagnie en garnison à Queue-en-Brie, dans l'Île-de-France, à quelques relais de Paris. Après tout, il ne lui agréait nullement de comparaître en personne dans ce procès. Il sentait vaguement qu'il y ferait une mine ridicule. Au fond, il ne savait pas trop que penser de toute l'affaire. Un dévot et superstitieux, comme tout soldat qui n'est que soldat, quand il se questionnait sur cette aventure, il n'était pas rassuré sur la chèvre, sur la façon bizarre dont il avait fait rencontre de la Esmeralda, sur la manière non moins étrange dont elle lui avait laissé deviner son amour, sur sa qualité d'égyptienne, enfin sur le moine bourru. Il entrevoyait dans cette histoire beaucoup plus de magie que d'amour, probablement une sorcière, peut-être le diable. Une comédie enfin, ou pour parler le langage d'alors, un mystère très désagréable, où il jouait un rôle fort gauche, le rôle des coups et des risées. Le capitaine en était tout penaud. Il éprouvait cette espèce de honte que notre La Fontaine a définie si admirablement. Honteux comme un renard qu'une poule aurait pris. Il espérait d'ailleurs que l'affaire ne s'ébruiterait pas, que son nom, lui absent, y serait à peine prononcé, et en tout cas ne retentirait pas au-delà du plaid de la Tournelle. En cela, il ne se trompait point. Il n'y avait pas alors de gazette et des tribunaux. Et comme il ne se passait guère de semaine, qui n'eût son faux monnoyeur bouilli, ou sa sorcière pendue, ou son hérétique brûlé à l'une des innombrables justices de Paris, on était tellement habitué à voir dans tous les carrefours la vieille Thémis féodale, bras nus et manches retroussées, faire sa besogne aux fourches et aux échelles et aux piloris, qu'on n'y prenait presque pas garde. Le beau monde de ce temps-là savait à peine le nom du patient qui passait au coin de la rue, et la populace tout au plus se régalait de ce mets grossier. Une exécution était un incident habituel de la voie publique, comme la braisière du talmelier ou la tuerie de l'écorcheur. Le bourreau n'était qu'une espèce de boucher un peu plus foncé qu'un autre. Phébus se mit donc assez promptement l'esprit en repos sur la charmeresse Esmeralda ou similar, comme il disait. Sur le coup de poignard de la bohémienne ou du moine bourru, peu lui importait, et sur l'issue du procès. Mais dès que son cœur fut vacant de ce côté, l'image de Fleur de Lys y revint. Le cœur du capitaine Phébus, comme la physique d'alors, avait horreur du vide. C'était d'ailleurs un séjour fort insipide que Queue-en-Brie, un village de maréchaux ferrants et de vachères aux mains gercées, un long cordon de masures et de chaumières qui ourle la grande route des deux côtés pendant une demi-lieue. Une queue, enfin. Fleur de Lys était son avant-dernière passion, une jolie fille, une charmante dot. Donc, un beau matin, tout à fait guérie, et présumant bien qu'après 2 mois, l'affaire de la bohémienne devait être finie et oubliée, l'amoureux cavalier arriva en piaffant à la porte du logis Gondelaurier. Il ne fit pas attention à une cohue assez nombreuse qui s'amassait dans la place du Parvis, devant le portail de Notre-Dame. Il se souvint qu'on était au mois de mai, il supposa quelques processions, quelques pentecôtes, quelques fêtes, attacha son cheval à l'anneau du porche et monta joyeusement chez sa belle fiancée. Elle était seule avec sa mère. Fleur de Lys avait toujours sur le cœur la scène de la sorcière, sa chèvre, son alphabet maudit et les longues absences de Phébus. Cependant, quand elle vit entrer son capitaine, elle lui trouva si bonne mine, un hoqueton si neuf, un baudrier si luisant et un air si passionné qu'elle rougit de plaisir. La noble damoiselle était elle-même plus charmante que jamais. Ses magnifiques cheveux blonds étaient nattés à ravir. Elle était toute vêtue de ce bleu ciel qui va si bien aux blanches, coquetterie que lui avait enseignée Colombe, et avait l'œil noyé dans cette longueur d'amour qui leur va mieux encore. Phébus, qui n'avait rien vu en fait de beauté depuis les margotons de Queue-en-Brie, fut enivré de Fleur de Lys, ce qui donna à notre officier une manière si empressée et si galante que sa paix fut tout de suite faite. Madame de Gondelaurier elle-même, toujours maternellement assise dans son grand fauteuil, n'eut pas la force de le bougonner. Quant aux reproches de Fleur de Lys, ils expirèrent en tendre roucoulement. La jeune fille était assise près de la fenêtre, brodant toujours sa grotte de Neptunus. Le capitaine se tenait appuyé au dossier de sa chaise, et elle lui adressait à demi-voix ses caressantes gronderies. « Qu'est-ce que vous êtes donc devenu depuis 2 grands mois, méchant ?»« Je vous jure, » répondait Phébus un peu gêné de la question. « Que vous êtes belle à faire rêver un archevêque !» Elle ne pouvait s'empêcher de sourire. « c'est bon, monsieur, laissez-la ma beauté et répondez-moi. Belle beauté, vraiment !»« Eh bien, chère cousine, j'ai été rappelée à tenir garnison. »« Et où cela, s'il vous plaît ? Et pourquoi n'êtes-vous pas venue me dire adieu ?»« À Queue-en-Brie !» Phébus était enchanté que la première question l'aida à esquiver la seconde. « Mais c'est tout près, monsieur. Comment n'être pas venu me voir une seule fois ?» Ici, Phébus fut assez sérieusement embarrassé. « C'est que... le service, et puis, charmante cousine, j'ai été malade. »« Malade ? » reprit-elle effrayée. « Oui, blessée. »« Blessée ? » La pauvre enfant était toute bouleversée. « Oh, ne vous effarouchez pas de cela !» dit négligemment Phébus, « ce n'est rien, une querelle, un coup d'épée, qu'est-ce que cela vous fait ?»« Qu'est-ce que cela me fait ?» s'écria Fleur de Lys en levant ses beaux yeux pleins de larmes. « Oh, vous ne dites pas ce que vous pensez en disant cela. Qu'est-ce que ce coup d'épée ? Je veux tout savoir. »« Eh bien, chère belle, j'ai une oise avec Mahé Fédie, vous savez, le lieutenant de Saint-Germain-en-Laye, et nous nous sommes décousus chacun quelques pouces de la peau. « Voilà tout. » Le menteur capitaine savait fort bien qu'une affaire d'honneur fait toujours ressortir un homme aux yeux d'une femme. En effet, Fleur de Lys le regardait en face, tout émue de peur, de plaisir et d'admiration. Elle n'était cependant pas complètement rassurée. « Pourvu que vous soyez bien tout à fait guéri, mon Phébus, » dit-elle. « Je ne connais pas votre Mahé Fédie, mais c'est un vilain homme. » Et d'où venait cette querelle ? Ici, Phébus, dont l'imagination n'était que fort médiocrement créatrice, commença à ne savoir plus comment se tirer de sa prouesse. « Oh, que sais-je, un rien, un cheval, un propos ?»« Belle cousine !» s'écria-t-il pour changer de conversation. « Qu'est-ce que c'est donc que ce bruit dans le parvis ?» Il s'approcha de la fenêtre. « Oh, mon Dieu, belle cousine, voilà bien du monde sur la place !»« Je ne sais pas, dit Fleur de Lys. Il paraît qu'il y a une sorcière qui va faire amende honorable ce matin devant l'église pour être pendue après. » Le capitaine croyait si bien l'affaire de la Esmeralda terminée qu'il s'émut fort peu des paroles de Fleur de Lys. Il lui fit cependant une ou deux questions. « Comment s'appelle cette sorcière ?»« Je ne sais pas, répondit-elle. Et que dit-on qu'elle est fée ?» Elle haussa encore cette fois ses blanches épaules. « Je ne sais pas. » « Oh, mon Dieu Jésus !» dit la mère. « Il y a tant de sorciers maintenant qu'on les brûle, je crois, sans savoir leur nom. Autant vaudrait chercher à savoir le nom de chaque nuée du ciel. Après tout, on peut être tranquille. Le bon Dieu tient son registre. » Ici, la vénérable dame se leva et vint à la fenêtre. « Seigneur, dit-elle, vous avez raison, Phébus. Voilà une grande cohue populaire. Il y en a, béni soit Dieu, jusque sur les toits. Savez-vous, Phébus, cela me rappelle mon beau temps, l'entrée du roi Charles VII, où il y avait tant de monde aussi. Je ne sais plus en quelle année. Quand je vous parle de cela, n'est-ce pas, cela vous fait l'effet de quelque chose de vieux, et à moi, de quelque chose de jeune. Oh, c'était un bien plus beau peuple qu'à présent. Il y en avait jusque sur les mâchicoulis de la porte Saint-Antoine. Le roi avait la reine en croupe, et après leurs altesses, venaient toutes les dames en croupe de tous les seigneurs. Je me rappelle qu'on riait fort, parce qu'à côté d'Amagnon de Garlande, qui était fort bref de taille, il y avait le sire Matefelon, un chevalier de stature gigantale, qui avait tué des Anglais à tas. C'était bien beau, une procession de tous les gentilshommes de France, avec leurs oriflammes qui rougeoyaient à l'œil. Il y avait ceux à Pennon et ceux à Bagnères. Que sais-je, moi, le sire de Calan à Pennon, Jean de Châteaumorant à Bagnères, le sire de Coucy à Bagnères, et plus étoffement que nul des autres, excepté le duc de Bourbon. Hélas, que c'est une chose triste de penser que tout cela a existé et qu'il n'en reste plus rien. Les deux amoureux n'écoutaient pas la respectable douairière. Phébus était revenu s'accouder au dossier de la chaise de sa fiancée, poste charmant d'où son regard libertin s'enfonçait dans toutes les ouvertures de la collerette de Fleur de Lys. Cette gorgerette bâillait si à propos et lui laissait voir tant de choses exquises, et lui en laissait deviner tant d'autres, que Phébus, ébloui de cette peau à reflets de satin, se disait en lui-même « Comment peut-on aimer autre chose qu'une blanche ?» Tous deux gardaient le silence. La jeune fille levait de temps en temps sur lui des yeux ravis et doux, et leurs cheveux se mêlaient dans un rayon de soleil de printemps. « Phébus, dit tout à coup Fleur de Lys à voix basse, nous devons nous marier dans 3 mois. Jurez-moi que vous n'avez jamais aimé d'autre femme que moi. » « Je vous le jure, bel ange, » répondit Phébus, et son regard passionné se joignait pour convaincre Fleur de Lys à l'accent sincère de sa voix. Il se croyait peut-être lui-même en ce moment. Cependant, la bonne mère, charmée de voir les fiancés en si parfaite intelligence, venait de sortir de l'appartement pour vaquer à quelques détails domestiques. Phébus s'en aperçut, et cette solitude enhardit tellement l'amoureux capitaine qu'il lui monta au cerveau des idées fort étranges. Fleur de Lys l'aimait, il était son fiancé, et elle était seule avec lui. Son ancien goût pour elle s'était réveillé, non dans toute sa fraîcheur, mais dans toute son ardeur. Après tout, ce n'est pas grand crime de manger un peu son blé en herbe. Je ne sais si ces pensées lui passèrent dans l'esprit, mais ce qui est certain, c'est que Fleur de Lys fut tout à coup effrayée de l'expression de son regard. Elle regarda autour d'elle et ne vit plus sa mère. « Mon Dieu !» dit-elle, rouge et inquiète. « J'ai bien chaud !»« Je crois en effet, » répondit Phébus, « qu'il n'est pas loin de midi. Le soleil est gênant. Il n'y a qu'à fermer les rideaux. »« Non, non !» cria la pauvre petite. « J'ai besoin d'air, au contraire. » Et comme une biche qui sent le souffle de la meute, elle se leva, courut à la fenêtre, l'ouvrit et se précipita sur le balcon. Phébus, assez contrarié, l'y suivit. La place du parvis Notre-Dame sur laquelle le balcon donnait, comme on sait, présentait en ce moment un spectacle sinistre et singulier qui fit brusquement changer de nature à l'effroi de la timide Fleur de Lys. Une foule immense, qui refluait dans toutes les rues adjacentes, encombrait la place proprement dite. La petite muraille à hauteur d'appui qui entourait le parvis n'eût pas suffi à le maintenir libre si elle n'eût été doublée d'une haie épaisse, de sergents des 11-20 et de hacquebutiers la couleuvrine au poing. Grâce à ce taillis de piques et d'arquebuses, le parvis était vide. L'entrée en était gardée par un gros de hallebardier aux armes de l'évêque. Les larges portes de l'église étaient fermées, ce qui contrastait avec les innombrables fenêtres de la place, lesquelles, ouvertes jusque sur les pignons, laissaient voir des milliers de têtes entassées à peu près comme les piles de boulets dans un parc d'artillerie. La surface de cette cohue était grise, sale et terreuse. Le spectacle qu'elle attendait était évidemment de ceux qui ont le privilège d'extraire et d'appeler ce qu'il y a de plus immonde dans la population. Rien de hideux comme le bruit qui s'échappait de ce fourmillement de coiffes jaunes et de chevelures sordides. Dans cette foule, il y avait plus de rires que de cris, plus de femmes que d'hommes. De temps en temps, quelques voix aigres et vibrantes perçaient la rumeur générale. « Ohé, maillet balifre, est-ce qu'on va la pendre là ?»« Imbécile, c'est ici l'amende honorable, en chemise. Le bon Dieu va lui tousser du latin dans la figure. Cela se fait toujours ici à midi. Si c'est la potence que tu veux, va-t'en à la grève. J'irai après. Dites donc, la boucanderie, est-il vrai qu'elle ait refusé un confesseur ?» Il paraît que oui, la Béchaigne. Voyez-vous la païenne. Monsieur, c'est l'usage. Le bailli du palais est tenu de livrer le malfaiteur tout jugé pour l'exécution, si c'est un laïc au prévôt de Paris, si c'est un clerc à l'official de l'évêché. Je vous remercie, monsieur. Oh mon Dieu, disait Fleur de Lys, la pauvre créature. Cette pensée remplissait de douleur le regard qu'elle promenait sur la populace. Le capitaine, beaucoup plus occupé d'elle que de cet amas de quenailles, chiffonnait amoureusement sa ceinture par derrière. Elle se retourna suppliante et souriant. « De grâce, laissez-moi, Phébus. Si ma mère rentrait, elle verrait votre main. » En ce moment, midi sonna lentement à l'horloge de Notre-Dame. Un murmure de satisfaction éclata dans la foule. La dernière vibration du 12e coup s'éteignait à peine, que toutes les têtes moutonnèrent comme les vagues sous un coup de vent, et qu'une immense clameur s'éleva des fenêtres et des toits. « La voilà !» Fleur de Lys mit ses mains sur ses yeux pour ne pas voir. « Charmante, lui dit Phébus, voulez-vous rentrer ?»« Non, répondit-elle, et ses yeux qu'elle venait de fermer par crainte, elle les rouvrit par curiosité. Un tombereau traîné d'un fort limonier normand et tout enveloppé de cavalerie en livrée violette à croix blanche venait de déboucher sur la place par la rue Saint-Pierre-aux-Bœufs. Le sergent du guet lui frayait passage dans le peuple à grands coups de boulaille. À côté du tombereau, quelques officiers de justice et de police, reconnaissables à leur costume noir et à leur gauche façon de se tenir en selle. Maître Jacques Charmolue paradait à leur tête. Dans la fatale voiture, une jeune fille était assise, les bras liés derrière le dos, sans prêtre à côté d'elle. Elle était en chemise, ses longs cheveux noirs, la mode était alors de ne les couper qu'au pied du gibet, tombée épars sur sa gorge et sur ses épaules à demi découvertes. À travers cette ondoyante chevelure, plus luisante qu'un plumage de corbeau, on voyait se tordre et se nouer une grosse corde grise et rugueuse qui écorchait ses fragiles clavicules et se roulait autour du cou charmant de la pauvre fille comme un ver de terre sur une fleur. Sous cette corde brillait une petite amulette ornée de verroteries vertes, qu'on lui avait laissée sans doute parce qu'on ne refuse plus rien à ceux qui vont mourir. Les spectateurs placés aux fenêtres pouvaient apercevoir au fond du tombereau ses jambes nues qu'elle tâchait de dérober sous elle, comme par un dernier instinct de femme. À ses pieds, il y avait une petite chèvre garrottée. La condamnée retenait avec ses dents sa chemise mal attachée. On eût dit qu'elle souffrait encore, dans sa misère, d'être ainsi livrée presque nue à tous les yeux. Hélas, ce n'est pas pour de pareils frémissements que la pudeur est faite. « Jésus !» dit vivement Fleur de Lys au capitaine. « Regardez donc, beau cousin, c'est cette vilaine bohémienne à la chèvre !» En parlant ainsi, elle se retourna vers Phébus. Il avait les yeux fixés sur le tombereau. Il était très pâle. « Quelle bohémienne à la chèvre » dit-il en balbutiant. « Comment ? » reprit Fleur de Lys. « Est-ce que vous ne vous souvenez pas ?» Phébus l'interrompit. « Je ne sais pas ce que vous voulez dire. » Il fit un pas pour rentrer. Mais Fleur de Lys, dont la jalousie, naguère si vivement remuée par cette égyptienne, venait de se réveiller, Fleur de Lys lui jeta un coup d'œil plein de pénétration et de défiance. Elle se rappelait vaguement en ce moment avoir ouï parler d'un capitaine mêlé au procès de cette sorcière. « Qu'avez-vous ? » dit-elle à Phébus. « On dirait que cette femme vous a troublé. » Phébus s'efforça de ricaner. « Moi ? Pas le moins du monde. Ah ben oui !»« Alors restez, » reprit-elle impérieusement, « et voyons jusqu'à la fin. » Force fut au malheureux capitaine de demeurer. Ce qui le rassurait un peu, c'est que la condamnée ne détachait pas son regard du plancher de son tombereau. Ce n'était que trop véritablement la Esmeralda. Sur ce dernier échelon de l'opprobre et du malheur, elle était toujours belle. Ses grands yeux noirs paraissaient encore plus grands à cause de l'appauvrissement de ses joues. Son profil livide était pur et sublime. Elle ressemblait à ce qu'elle avait été, comme une vierge du Masaccio ressemble à une vierge de Raphaël, plus faible, plus mince, plus maigre. Du reste, il n'y avait rien en elle qui ne ballottât en quelque sorte, et que, hormis sa pudeur, elle ne laissa aller au hasard, tant elle avait été profondément rompue par la stupeur et le désespoir. Son corps rebondissait à tous les chaos du tombereau comme une chose morte ou brisée. Son regard était morne et fou. On voyait encore une larme dans sa prunelle, mais immobile et pour ainsi dire gelée. Cependant, la lugubre cavalcade avait traversé la foule au milieu des cris de joie et des attitudes curieuses. Nous devons dire toutefois, pour être fidèle historien, qu'en la voyant si belle et si accablée, beaucoup s'étaient émus de pitié et des plus durs. Le tombereau était entré dans le parvis. Devant le portail central, il s'arrêta. L'escorte se rangea en bataille des deux côtés. La foule fit silence, et au milieu de ce silence plein de solennité et d'anxiété, les deux battants de la grande porte tournèrent, comme d'eux-mêmes, sur leurs gonds qui grincèrent avec un bruit de fifre. Alors, on vit dans toute sa longueur la profonde église, sombre, tendue de deuil, à peine éclairée de quelques cierges, scintillant au loin sur le maître-autel, ouverte comme une gueule de taverne, au milieu de la place éblouissante de lumière. Tout au fond, dans l'ombre de l'abside, on entrevoyait une gigantesque croix d'argent développée sur un drap noir qui tombait de la voûte au pavé. Toute la nef était déserte. Cependant, on voyait remuer confusément quelques têtes de prêtres dans les stalles lointaines du chœur, et au moment où la grande porte s'ouvrit, il s'échappa de l'église un chant grave, éclatant et monotone, qui jetait comme par bouffée sur la tête de la condamnée des fragments de psaumes lugubres. Non timebo milia populi circuntandis me, exurge, domine, salvum me fac, Deus. Salvum me fac, Deus, coniam intra verunt aqua, usque ad animam meam, in fixus sum, in limo profundi, e non est substantia. Et en même temps, une autre voix, isolée du cœur, entonnée sur le degré du maître-autel, ce mélancolique offertoire. Qui verbum meum audit, et credit ei qui messit me, habet vitam aeternam, et in judicium, non venit, sed transit a morte in vitam. Ce chant, que quelques vieillards perdus dans leurs ténèbres chantaient de loin sur cette belle créature, pleine de jeunesse et de vie, caressée par l'air tiède du printemps, inondée de soleil. C'était la messe des morts. Le peuple écoutait avec recueillement. La malheureuse, effarée, semblait perdre sa vue et sa pensée dans les obscures entrailles de l'église. Ses lèvres blanches remuaient comme si elle priait, et quand le valet du bourreau s'approcha d'elle pour l'aider à descendre du tombereau, il l'entendit qui répétait à voix basse ce mot « Phébus ». On lui délia les mains, on la fit descendre accompagnée de sa chèvre, qu'on avait déliée aussi, et qui bêlait de joie de se sentir libre, et on la fit marcher pieds nus sur le dur pavé jusqu'au bas des marches du portail. La corde qu'elle avait au cou traînait derrière elle, on eût dit un serpent qui la suivait. Alors le chant s'interrompit dans l'église. Une grande croix d'or et une file de cierges se mirent en mouvement dans l'ombre. On entendit sonner la hallebarde des Suisses bariolés, et quelques moments après, une longue procession de prêtres en chasuble et de diacres en dalmatique, qui venaient gravement et en psalmodiant vers la condamnée, se développa à sa vue et aux yeux de la foule. Mais son regard s'arrêta à celui qui marchait en tête, immédiatement après le porte-croix. « Oh ! » dit-elle tout bas en frissonnant. « C'est encore lui, le prêtre !» C'était en effet l'archidiacre. Il avait à sa gauche le sous-chantre et à sa droite le chantre armé du bâton de son office. Il avançait, la tête renversée en arrière, les yeux fixes, ouverts, en chantant d'une voix forte. De ventre, inferi clama vi, et exodisti vocem meam, et projexistimie in profundum, in corde maris, et flumen circum dedit me. Au moment où il parut au grand jour, sous le haut portail en ogive, enveloppé d'une vaste chape d'argent barrée d'une croix noire, il était si pâle que plus d'un pensa dans la foule que c'était un des évêques de marbre, agenouillé sur les pierres sépulcrales du cœur, qui s'était levé et qui venait recevoir au seuil de la tombe celle qui allait mourir. Elle, non moins pâle et non moins statue, elle, s'était à peine aperçue qu'on lui avait mis en main un lourd cierge de cire jaune allumé. Elle n'avait pas écouté la voix glapissante du greffier, lisant la fatale teneur de l'amende honorable. Quand on lui avait dit de répondre « Amen », elle avait répondu « Amen ». Il fallut, pour lui rendre quelque vie et quelque force, qu'elle vit le prêtre faire signe à ses gardiens de s'éloigner et s'avancer seule vers elle. Alors, elle sentit son sang bouillonner dans sa tête, et un reste d'indignation se ralluma dans cette âme déjà engourdie et froide. L'archidiacre s'approcha d'elle lentement. Même en cette extrémité, elle le vit promener sur sa nudité un œil étincelant de luxure, de jalousie et de désir. Puis il lui dit à haute voix, « Jeune fille, avez-vous demandé à Dieu pardon de vos fautes et de vos manquements ?» Il se pencha à son oreille et ajouta, les spectateurs croyaient qu'il recevait sa dernière confession, « Veux-tu de moi, je puis encore te sauver ?» Elle le regarda fixement, « Va-t'en, démon, ou je te dénonce !» Il se prit à sourire d'un sourire horrible. « On ne te croira pas. Tu ne feras qu'ajouter un scandale à un crime. Réponds vite. Veux-tu de moi? Qu'as-tu fait de mon Phébus? Il est mort, dit le prêtre. » En ce moment, le misérable archidiacre leva la tête machinalement et vit, à l'autre bout de la place, au balcon du logigon de Laurier, le capitaine debout près de Fleur de Lys. Il chancela, passa la main sur ses yeux, regarda encore, murmura une malédiction, et tous ses traits se contractèrent violemment. « Eh bien, meurs, toi » dit-il entre ses dents. « Personne ne t'aura !» Alors, levant la main sur l'Égyptienne, il s'écria d'une voix funèbre, « Inunc anima ancept et sit tibi Deus misericor !» C'était la redoutable formule dont on avait coutume de clore les sombres cérémonies. C'était le signal convenu du prêtre au bourreau. Le peuple s'agenouilla. Kyrie eleison, dirent les prêtres restés sous l'ogive du portail. Kyrie eleison, répéta la foule avec ce murmure qui court sur toutes les têtes comme le clapotement d'une mer agitée. « Amen !» dit l'archidiacre. Il tourna le dos à la condamnée. Sa tête retomba sur sa poitrine, ses mains se croisèrent. Il rejoignit son cortège de prêtres, et un moment après, on le vit disparaître avec la croix, les cierges et les chapes, sous les arceaux brumeux de la cathédrale. Et sa voix sonore s'éteignit par degrés, dans le cœur, en chantant ce verset de désespoir. Omnes gurgites, tui effluctus, tui superme transierunt. En même temps, le retentissement intermittent de la hampe ferrée des hallebardes des Suisses, mourant peu à peu sous les entrecolonnements de la nef, faisait l'effet d'un marteau d'horloge sonnant la dernière heure de la condamnée. Cependant, les portes de Notre-Dame étaient restées ouvertes, laissant voir l'église vide, désolée, en deuil, sans cierge et sans voix. La condamnée demeurait immobile à sa place, attendant qu'on disposât d'elle. Il fallut qu'un des sergents à verge en avertît maître Charmolue, qui pendant toute cette scène s'était mis à étudier le bas-relief du grand portail qui représente, selon les uns, le sacrifice d'Abraham, selon les autres, l'opération philosophale, figurant le soleil par l'ange, le feu par le fagot, l'artisan par Abraham. On eut assez de peine à l'arracher à cette contemplation, mais enfin, il se retourna, et à un signe qu'il fit, deux hommes vêtus de jaune, les valets du bourreau, s'approchèrent de l'Égyptienne pour lui rattacher les mains. La malheureuse, au moment de remonter dans le tombereau fatal et de s'acheminer vers sa dernière station, fut prise peut-être de quelque déchirant regret de la vie. Elle leva ses yeux rouges et secs vers le ciel, vers le soleil, vers les nuages d'argent coupés çà et là, de trapèzes et de triangles bleus. Puis elle les abaissa autour d'elle, sur la terre, sur la foule, sur les maisons. Tout à coup, tandis que l'homme jaune lui liait les coudes, elle poussa un cri terrible, un cri de joie. À ce balcon, là-bas, à l'angle de la place, elle venait de l'apercevoir, lui, son ami, son seigneur Phébus, l'autre apparition de sa vie. Le juge avait menti, le prêtre avait menti. C'était bien lui. Elle n'en pouvait douter. Il était là, beau, vivant, revêtu de son éclatante livrée, la plume en tête, l'épée au côté. « Phébus ! » cria-t-elle. « Mon Phébus !» Et elle voulut tendre vers lui ses bras tremblants d'amour et de ravissement. Mais ils étaient attachés. Alors, elle vit le capitaine froncer le sourcil. Une belle jeune fille qui s'appuyait sur lui la regardait avec une lèvre dédaigneuse et des yeux irrités. Puis Phébus prononça quelques mots qui ne vinrent pas jusqu'à elle. Et tous deux s'éclipsèrent précipitamment derrière le vitrail du balcon qui se referma. « Phébus ! » cria-t-elle éperdue. « Est-ce que tu le crois ?» Une pensée monstrueuse venait de lui apparaître. Elle se souvenait qu'elle avait été condamnée pour meurtre sur la personne de Phébus de Châteaupers. Elle avait tout supporté jusque-là, mais ce dernier coup était trop rude. Elle tomba sans mouvement sur le pavé. « Allons, » dit Charmolue, « portez-la dans le tombereau et finissons. » Personne n'avait encore remarqué, dans la galerie des statues des rois sculptées immédiatement au-dessus des ogives du portail, un spectateur étrange qui avait tout examiné jusqu'alors avec une telle impassibilité, avec un cou si tendu, avec un visage si difforme, que dans son accoutrement, mis parti rouge et violet, on eût pu le prendre pour un de ces monstres de pierre par la gueule desquels se dégorgent depuis 600 ans les longues gouttières de la cathédrale. Ce spectateur n'avait rien perdu de ce qui s'était passé depuis midi devant le portail de Notre-Dame. Et dès les premiers instants, sans que personne songeât à l'observer, il avait fortement attaché à l'une des colonnettes de la galerie une grosse corde à nœuds dont le bout allait traîner en bas sur le perron. Cela fait, il s'était mis à regarder tranquillement et à siffler de temps en temps quand un merle passait devant lui. Tout à coup, au moment où les valets du maître des œuvres se disposaient à exécuter l'ordre flegmatique de Charmolue, il enjamba la balustrade de la galerie, saisit la corde des pieds, des genoux et des mains, puis on le vit couler sur la façade comme une goutte de pluie qui glisse le long d'une vitre. Courir vers les deux bourreaux avec la vitesse d'un chat tombé d'un toit, les terrasser sous deux poings énormes, enlever l'égyptienne d'une main comme une enfant sa poupée, et d'un seul élan rebondir jusque dans l'église, en élevant la jeune fille au-dessus de sa tête et en criant d'une voix formidable « Asile !» Cela se fit avec une telle rapidité que si c'eût été la nuit, on eût pu tout voir à la lumière d'un seul éclair. « Asile ! Asile !» répéta la foule. Et 10 000 battements de mains firent étinceler de joie et de fierté l'œil unique de Quasimodo. Cette secousse fit revenir à elle la condamnée. Elle souleva sa paupière, regarda Quasimodo, puis la referma subitement, comme épouvantée de son sauveur. Charmolue resta stupéfait, et les bourreaux et toute l'escorte. En effet, dans l'enceinte de Notre-Dame, la condamnée était inviolable. La cathédrale était un lieu de refuge. Toute justice humaine expirait sur le seuil. Quasimodo s'était arrêté sous le grand portail. Ses larges pieds semblaient aussi solides sur le pavé de l'église que les lourds piliers romans. Sa grosse tête chevelue s'enfonçait dans ses épaules comme celle des lions qui eux aussi ont une crinière et pas de cou. Il tenait la jeune fille toute palpitante, suspendue à ses mains calleuses comme une draperie blanche, mais il la portait avec tant de précaution qu'il paraissait craindre de la briser ou de la faner. On eût dit qu'il sentait que c'était une chose délicate, exquise et précieuse, faite pour d'autres mains que les siennes. Par moments, il avait l'air de n'oser la toucher, même du souffle. Puis, tout à coup, il la serrait avec étreinte dans ses bras, sur sa poitrine anguleuse, comme son bien, comme son trésor, comme eût fait la mère de cet enfant. Son œil de gnome, abaissé sur elle, l'inondait de tendresse, de douleur et de pitié, et se relevait subitement, plein d'éclairs. Alors les femmes riaient et pleuraient, la foule trépignait d'enthousiasme, car, à ce moment-là, Quasimodo avait vraiment sa beauté. Il était beau, lui, cet orphelin, cet enfant trouvé, ce rebut. Il se sentait auguste et fort. Il regardait en face cette société dont il était banni et dans laquelle il intervenait si puissamment. Cette justice humaine à laquelle il avait arraché sa proie, tous ces tigres forcés de mâcher à vide, ces sbires, ces juges, ces bourreaux, toute cette force du roi qu'il venait de briser, lui, infirme, avec la force de Dieu. Et puis, c'était une chose touchante que cette protection tombait d'un être si difforme sur un être si malheureux, qu'une condamnée à mort sauvée par Quasimodo. C'étaient les deux misères extrêmes de la nature et de la société qui se touchaient et qui s'entraidaient. Cependant, après quelques minutes de triomphe, Quasimodo s'était brusquement enfoncé dans l'église avec son fardeau. Le peuple, amoureux de toute prouesse, le cherchait des yeux sous la sombre nef, regrettant qu'il se fût si vite dérobé à ses acclamations. Tout à coup, on le vit réapparaître, à l'une des extrémités de la galerie des rois de France. Il la traversa en courant, comme un insensé, en élevant sa conquête dans ses bras, et en criant « Asile !» La foule éclata de nouveau en applaudissements. La galerie parcourue, il se replongea dans l'intérieur de l'église. Un moment après, il reparut sur la plateforme supérieure, toujours l'égyptienne dans ses bras, toujours courant avec folie, toujours criant « Asile !» Et la foule applaudissait. Enfin, il fit une troisième apparition sur le sommet de la tour du Bourdon. De là, il sembla montrer avec orgueil à toute la ville celle qu'il avait sauvée. Et sa voix tonnante, cette voix qu'on entendait si rarement et qu'il n'entendait jamais, répéta trois fois, avec frénésie, jusque dans les nuages, « Asile ! Asile ! Asile ! Noël ! Noël ! » criait le peuple de son côté. Et cette immense acclamation allait étonner sur l'autre rive la foule de la grève et la recluse qui attendait toujours, l'œil fixé sur le gibet.